Chapitre 4e. Un matin, de bonne heure, Newman était encore en robe de chambre, on frappa discrètement à sa porte, et il vit entrer un petit vieillard suivi d'un jeune garçon en blouse qui portait un tableau dans un cadre doré. Newman, au milieu des plaisirs de Paris, avait complètement oublié M. Nioche et son aimable fille. « Vous ne comptiez plus sur moi, j'en ai peur, monsieur, » dit le vieillard après force salutation. « Nous vous avons fait attendre si longtemps. Vous nous accusiez, sans doute, de mauvaise foi, d'inconstance. Enfin, me voici. Voilà aussi votre jolie madone. Posez-la sur une chaise, mon ami, dans un jour favorable pour que monsieur puisse l'admirer. » Le père Nioche, tout en parlant, aidait son compagnon à placer le tableau bien en vue. La peinture était recouverte d'une couche de vernis d'un pouce d'épaisseur, et le cadre, surchargé d'ornements de mauvais goût, avait au moins un pied de largeur. Tout cela brillait et reluisait aux rayons du soleil matinal. Newman fut comme ébloui. « Hé !» pensa-t-il, enchanté de son acquisition. « Il me semble que j'ai la main singulièrement heureuse pour une première affaire. C'est vraiment splendide !» Il regarda le petit tableau plus d'une fois tout en achevant sa toilette, tandis que M. Nioche, après avoir envoyé le jeune commissionnaire, se tenait à l'écart, souriant et se frottant les mains. « C'est peint avec une finesse remarquable, » murmurait le petit vieillard d'un air satisfait. « Et ça et là, que de touches merveilleuses. Vous les voyez, n'est-ce pas, monsieur ?» Tout le monde se retournait sur les boulevards pour admirer la jolie madone. Quelle teinte, quelle fondue, comme c'est beau de savoir peindre. « Ce n'est pas parce que je suis son père, monsieur, mais, entre hommes de goût comme nous, on peut se permettre de dire que vous aurez là une œuvre exquise. » Il est dur de produire de tels morceaux de peinture et d'être obligé de s'en séparer. Si seulement nos moyens nous permettaient le luxe, la jouissance de les garder. En vérité, monsieur, vous pouvez m'en croire. Et le pauvre homme souriait tristement. Mais réellement, je vous envie. Vous voyez, ajouta-t-il après un moment, que nous avons pris la liberté de vous offrir un cadre. Cela augmente un peu le prix, mais... cela vous épargnera l'ennui si grand pour une personne de votre délicatesse d'aller marchander dans les boutiques. Il serait impossible de donner une idée exacte de la langue que parlait M. Nioche. Il avait évidemment su l'anglais autrefois. Son accent était même empreint de cette nuance d'affectation habituelle au Cockney de Londres. Mais il s'était rouillé depuis et il manquait bien des mots à son vocabulaire. Il les remplaçait hardiment par du français ou par des expressions anglicanisées par un procédé qui lui était tout personnel, ou par des gallicismes traduits mot à mot. Tout cela formait un ensemble tellement baroque que Newman ne comprenait pas la moitié des phrases, mais cela l'amusait. Et puis l'air d'abandon et de décorum de ce vieux bonhomme le touchait et lui faisait pitié. La vue d'un malheureux accablé par des revers immérités lui avait toujours été pénible. Sa bonne et généreuse nature en éprouvait comme une profonde irritation. On aurait dit que la misère d'autrui lui faisait alors honte de sa propre prospérité. Le père de Mademoiselle Noémie, cependant, ressemblait plutôt ce jour-là à un homme qui répète une leçon énergiquement apprise et paraissait anxieux de saisir au passage les bonnes occasions. « Combien vous dois-je avec le cadre ?» demanda Newman. « Cela fera en tout 2 500 francs, » répondit le vieillard avec un sourire gracieux, mais en joignant les mains dans un mouvement de supplication instinctive. « Pouvez-vous me donner un reçu ? J'en ai un sur moi. J'ai pris la liberté de le rédiger par avance, au cas où monsieur aurait désiré acquitter immédiatement la note. » Il tira de sa poche un papier qu'il présenta à l'Américain. Le reçu, d'une petite écriture, élégante et fine, était rédigé dans le style le plus choisi. Newman mit l'argent sur la table et M. Nioche fit tomber les Napoléons un à un, solennellement, amoureusement, dans une vieille bourse de cuir. « Et comment va votre fille ?» demanda Newman. « Elle a produit sur moi une grande impression. »« Une impression. Monsieur est trop bon. Monsieur la trouve belle. Elle est certainement fort jolie. »« Hélas oui, elle est très jolie. »« Vous le regrettez ? Quel mal y trouvez-vous donc ?» M. Nioche regarda quelques instants une des fleurs du tapis, en secouant mélancoliquement la tête, puis leva les yeux sur Newman. Monsieur connaît Paris. Monsieur sait combien Paris est dangereux pour la beauté quand elle n'a pas le sou. Ah, mais ce n'est pas le cas pour votre fille. La voilà riche maintenant. C'est vrai. Nous voilà riches pour 6 mois. Si ma fille était laide, cependant, je n'en dormirais que plus tranquille. Vous avez peur des jeunes gens, des jeunes et des vieux. Elle devrait se marier. Ah, monsieur, on ne se marie pas comme ça quand on n'a rien. Son mari devra la prendre telle qu'elle est. Je ne puis lui donner un sou, et les jeunes gens n'entendent pas de cette oreille-là. Mais son talent vaut bien une dot. Ah, il faudrait d'abord qu'il se convertit en espèces. Monsieur Nioche tapota doucement sa vieille bourse avant de la faire disparaître dans la vaste poche de son pardessus. « Et c'est une opération qui ne se renouvelle pas tous les jours, » ajouta-t-il. « Eh bien, vos jeunes gens français sont des misérables, » s'écria Newman. « Voilà tout ce que je puis dire. Ils devraient s'estimer heureux de payer pour obtenir votre fille et n'ont pas demandé de l'argent eux-mêmes. » « Ce sont là de nobles sentiments, monsieur, mais que voulez-vous ? Ce ne sont pas ceux de mes compatriotes. Ici, on ne se marie qu'à bon escient. Quelle dot faudrait-il à votre fille pour qu'elle trouvât à faire un mariage convenable ?» Monsieur Nioche ouvrit de grands yeux étonnés, cherchant à deviner le motif d'une pareille question, mais il se remit bien vite et à tout hasard, répondit qu'il connaissait un jeune homme charmant, employé dans une compagnie d'assurance qui se contenterait de 15 000 francs. « Eh bien, que votre fille me fasse une demi-douzaine de tableaux, et elle aura sa dot. »« Une demi-douzaine de tableaux, sa dot ? Monsieur ne parle pas sérieusement. »« Si elle veut peindre pour moi, au Louvre, 6 ou 8 copies, aussi bien réussies que cette madone, je les lui payerai le même prix. » Le pauvre monsieur Nioche n'eut pas la force de répondre pendant un moment. Le saisissement, la reconnaissance, lui coupaient la parole. Alors il s'empara de la main de Newman et la pressa avec effusion entre ses 10 doigts. Fixant sur lui des yeux pleins de larmes. « Aussi bien réussi, » s'écria-t-il, « 1000 fois mieux, ce sera magnifique, la perfection même. Ah, si seulement je savais peindre, moi, si j'étais en état d'aider ma fille. Que pourrais-je faire pour vous prouver toute ma reconnaissance, voyons ?» Il se prit le front à deux mains comme pour en faire jaillir une idée. « Oh, vous m'avez suffisamment remercié, » dit Newman. « J'y suis. Monsieur, pour vous témoigner ma reconnaissance, je vous donnerai gratis les leçons de français. » Les leçons ? Ma foi, je n'y pensais plus. Du reste, ajouta Newman en riant, c'est presque une leçon de français que de vous entendre parler anglais. Je n'ai certainement pas la prétention d'être capable d'enseigner l'anglais, mais pour notre admirable langue, je suis toujours à votre service. Eh bien, dit Newman, puisque vous voilà ici, nous pouvons commencer. C'est une heure excellente. On va me servir mon café. « Venez tous les matins à 9h30, vous le prendrez avec moi. »« Monsieur m'offre aussi le café ?» s'écria Monsieur Nioche. « Ah, mes beaux jours sont revenus. »« Voyons, commençons. »« Le café est brûlant. Comment dites-vous cela en français ?»« Tous les jours, pendant les 3 semaines suivantes, à 9h30, heure militaire, la respectable personne ratatinée de M. Nioche fit régulièrement son apparition au milieu des vapeurs aromatiques du breuvage favori de Newman. Je ne sais si l'Américain apprit ainsi beaucoup de français, mais comme il le disait lui-même, si les leçons ne lui faisaient pas de bien, elles ne pouvaient lui faire de mal, et d'ailleurs, cela l'amusait. Il avait toujours eu une certaine prédilection pour les conversations où la grammaire est estropiée sans merci, et bien souvent même, dans ses jours de labeur et de préoccupation, on l'avait vu, la journée de travail finie, s'asseoir en compagnie d'obscurs aventuriers et de joyeux compères, écoutant, sans se lasser, leur bavardage incorrect. Il aimait, en quelque lieu qu'il se trouvât, à causer avec les gens du pays. C'était, à son sens, la meilleure manière d'en étudier les mœurs intimes. M. Nioche était essentiellement français, et quoique sa position sociale, plus que modeste, n'offrît pas un intéressant sujet d'étude, il était cependant une unité curieuse et frappante dans ce grand tout de la civilisation parisienne, qui amusait tant Newman et l'intriguait parfois plus encore. Petit rentier, aux prises avec toutes les difficultés de la vie, ancien négociant décavé, ferré sur les taxes, les impôts, les us et coutumes du commerce, il était à même de fournir à son élève des renseignements avec lesquels il était depuis longtemps familier et qu'il formulait nettement, avec une sorte de fierté, une prise de tabac entre le pouce et l'index. Parisien dans l'âme, M. Nioche était un admirable causeur. Il aimait la conversation et prenait un vrai plaisir, sans compter celui de palper les Napoléons de Newman, à expliquer, à raconter, à répondre aux questions, jamais embarrassé de rien, en vrai français. Quand sa mémoire était en défaut, n'hésitant pas à en combler les lacunes par les hypothèses les plus ingénieuses. Le pauvre financier déchu se procurait de tous côtés des renseignements et notait sur un petit carnet graisseux tous les incidents capables d'intéresser son généreux amphitryon. Il lisait de vieux almanachs sur les quais et s'était mis à fréquenter un autre café où, si la demi-tasse lui coûtait 2 sous de plus, il avait du moins à sa disposition un plus grand nombre de journaux. Il y apprenait par cœur toutes sortes de faits divers. Et le lendemain racontait gravement à Newman qu'il venait de mourir à Bordeaux un enfant de 5 ans, dont le cerveau pesait 1,5 kg. Le cerveau d'un Napoléon ou d'un Washington. Ou que Madame P., charcutière, rue de Clichy, avait retrouvé dans la doublure d'un vieux jupon 360 francs qu'elle croyait perdus depuis 4 ans. Monsieur Nioche parlait lentement, discrètement, et Newman l'assurait que sa façon de prononcer le français était bien supérieure au bavardage étourdissant de ses compatriotes. Flatté de l'éloge, M. Nioche donnait alors à sa voix des modulations plus accentuées. Sa prononciation devenait encore plus emphatique. Il proposait de lire des vers de Victor Hugo ou de Lamartine, affirmant d'un air modeste que, quoi qu'il fît son possible dans la limite de ses faibles moyens pour enseigner une diction irréprochable, monsieur, s'il voulait arriver à la perfection, devait aller au Théâtre français. Newman s'intéressait réellement à la position de ce pauvre vieux. Il l'avait souvent questionné sur les habitudes d'ordre et d'économie des petits négociants parisiens. Toutes ses modestes fortunes amassées sous par sous, ses épargnes minuscules, tant de labeur et de travail incessant payés d'aussi maigres profits, étaient un perpétuel sujet d'étonnement pour lui, habitué aux vastes opérations, aux grands risques et aux gains immenses. Le budget de M. Nioche lui inspirait une sorte de compassion mêlée de respect. Le digne homme lui raconta comment, pendant des mois, sa fille et lui avaient tout récemment réussi à sauver les dernières épaves de leur ancienne fortune, et leur situation s'en était trouvée quelque peu améliorée. Mais comme ils étaient encore près de leur pièce, et comme il leur fallait être regardant pour parvenir à joindre les deux bouts. Malheureusement, laissa entendre M. Nioche avec un gros soupir, Mademoiselle Noémie n'apportait pas à cette tâche laborieuse tout le zèle désirable. « Mais que voulez-vous » ajoutait-il philosophiquement. « On est jeune, on est joli, on veut des gants frais et des toilettes neuves. On ne peut pas se montrer, vous comprenez, au milieu des splendeurs du Louvre, avec une robe usée jusqu'à la corde. » « Est-ce que votre fille ne gagne pas assez pour son entretien ?» demanda Newman. M. Nioche leva sur lui ses petits yeux voilés, incertains. Il aurait voulu pouvoir dire que le talent de sa fille était connu, apprécié, et que ses croûtes faisaient prime sur le marché. Mais il avait honte d'abuser de la crédulité de ce généreux étranger qui, sans une question, sans un renseignement, l'admettait à sa table comme son égal. Il se tira de la difficulté par un compromis. Si les copies de Mademoiselle Noémie étaient convoitées aussitôt qu'entrevues par les amateurs, d'autre part, Mademoiselle Noémie se croyait obligée précisément, à cause même de leur degré de perfection, d'en demander des prix tels que les acheteurs se tenaient à distance. « Pauvre petite !» soupira le vieillard. « C'est vraiment malheureux que ces reproductions de nos grands maîtres soient si irréprochables. Il serait de son intérêt de peindre moins bien. » Mais, puisque Mademoiselle Noémie se dévoue si complètement à son art, observa Newman, ne trouvez-vous pas superflu les craintes que vous m'exprimiez l'autre jour ? M. Nioche réfléchit. Le pauvre homme était sans cesse hésitant. Sa position fausse envers son bienfaiteur lui donnait une sorte de malaise chronique. Il n'eût pas voulu tuer la poule aux œufs d'or, la précieuse confiance de Newman, et pourtant il se sentait entraîné, comme malgré lui, à le prendre pour confident de ses chagrins et de ses inquiétudes paternelles. « Ah, dit-il, Noémie est une artiste. Certainement, mon cher monsieur, mais pour vous avouer toute la vérité, c'est aussi une franche coquette. » Et ajouta-t-il avec tout un monde d'amertume dans le regard et dans la voix, « J'ai le regret de reconnaître qu'elle a de qui tenir. Sa mère était encore pire. Vous n'avez pas été heureux en ménage ?» M. Nioche secoua 5 ou 6 fois la tête d'un air lamentable. « Ça a été mon purgatoire, monsieur. Votre femme vous trompait ? à mon nez, à ma barbe, pendant des années. J'étais trop stupide et la tentation trop grande. Mais à la fin, j'ai découvert sa perfidie. Une seule fois dans ma vie, monsieur, je fus un homme redoutable. Je le sais fort bien, ce fut ce jour-là. Et pourtant, je n'aime pas à y penser. Je ne saurais dire à quel point je l'aimais. Ah, c'était une créature perverse. Elle n'est pas vivante. Elle a rendu ses comptes à Dieu. Son influence sur votre fille n'est plus à craindre, alors. Ah, sa fille, elle s'en soucie à peu près autant que de ses vieux souliers. Mais Noémie ne subit l'influence de personne. Elle en a suffisamment par elle-même. Elle est plus forte que moi. Elle ne vous obéit pas. Elle n'a pas besoin d'obéir, monsieur. Je ne commande pas. À quoi cela servirait-il? À l'irriter? À la pousser à quelques coups de tête? Elle est très intelligente, comme sa mère. Ce ne serait pas long, étant encore tout enfant. Dans le temps que j'étais heureux ou croyais l'être, elle apprenait le dessin, la peinture avec les premiers professeurs de Paris. Ses maîtres m'assuraient qu'elle avait du talent. J'étais enchanté et j'emportais toujours avec moi dans un portefeuille, quand j'allais dans le monde, ses études, ses croquis, et je me sentais si fier de les faire admirer. Je me rappelle qu'un jour une dame s'imagina que je cherchais à les vendre et que je pris fort mal la chose. Comme on se doute peu de ce que le sort vous réserve. Alors vinrent les mauvais jours, la ruine, l'explosion avec Madame Nioche, et adieu les leçons à 20 francs le cachet. Plus tard, en grandissant, Noémie comprit qu'il lui fallait un état pour vivre, et reprit ses pinceaux. Quelques-uns de nos amis dans le quartier lui dirent que son projet n'avait pas le sens commun, qu'elle devait se faire modiste, demoiselle de magasin ou, puisqu'elle était ambitieuse, dame de compagnie. On la décidait à insérer un avertissement dans les journaux. Une vieille dame lui écrivit de la venir voir, elle lui plut, et l'affaire fut conclue. Le logement, la table et 600 francs par an. Mais Noémie ne tarda pas à s'apercevoir que sa patronne, comme elle disait, ne quittait jamais son fauteuil, et ne recevait pour tout visiteur que son confesseur et son neveu. Un confesseur puritain et un neveu de 50 ans avec un nez de travers et une place de 2 000 francs pour tout potage. Ma fille trouva que ce n'était pas suffisant et jeta la vieille dame par-dessus bord. Elle acheta un chevalet, une palette, une robe neuve et commença ses séances au Louvre. C'est là qu'elle passe sa vie depuis 2 ans, tantôt dans une salle, tantôt dans une autre. Je ne peux pas dire que son travail nous ait encore rendu millionnaires, mais quand je hasarde une timide observation, Noémie me répond que Rome n'a pas été bâtie en un jour, qu'elle fait de grands progrès et qu'il faut lui laisser le temps de réussir. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle n'a aucun goût pour une vie retirée. Elle aime à voir le monde et à être vue. « Je veux qu'on me connaisse », me répète-t-elle sans cesse. Avec sa figure et ses manières, c'est bien naturel. Seulement, je ne peux m'empêcher de trembler, de craindre, de me tourmenter. Il y a tant de dangers pour une jeune fille seule, au milieu de tous ces allants et venants, de tous ces étrangers. Je ne peux pourtant pas être toujours à ses côtés. Je la conduis le matin, je reviens la chercher le soir. Mais elle n'entend pas que je reste avec elle dans l'intervalle. Elle prétend que je la rends nerveuse. Comme si je n'étais pas nerveux, moi, quand j'erre toute la journée, ne sachant que devenir sans elle. Ah, s'il lui arrivait malheur. Monsieur Nioche lança ces derniers mots, les poings serrés et en secouant la tête d'un air menaçant. « Soyez tranquille, il ne lui arrivera rien, j'en suis sûr, » dit Newman. « Je crois que je la tuerai. » « Allons, allons, nous la marierons. C'est encore la meilleure solution. J'irai voir Mademoiselle Noémie demain au Louvre, et je choisirai avec elle les tableaux qu'elle devra copier pour moi. » Monsieur Nioche revint dans la journée avec une lettre de sa fille. Elle acceptait le marché, se disant la servante dévouée de Newman et s'engageant à mettre tous les ailes possibles dans l'accomplissement de sa tâche. Elle regrettait que les convenances ne lui permissent pas de venir en personne remercier son généreux protecteur. Newman promit de nouveau sa visite au Louvre pour le lendemain. Monsieur Nioche, néanmoins, semblait préoccupé. Il ne racontait pas d'anecdotes, prisait plus fréquemment que d'habitude et jetait à la dérobée des regards suppliants sur son robuste élève. À la fin, au moment de prendre congé, il resta quelques instants, comme s'il ne pouvait se décider au départ, à brosser avec son mouchoir de calicot les bords de son chapeau, ses petits yeux pâles fixés étrangement sur Newman. « Eh bien, qu'y a-t-il donc ?» demanda celui-ci. Excusez la sollicitude d'un père, répondit M. Nioche. Vous m'inspirez une confiance sans borne, mais je ne puis m'empêcher de vous mettre sur vos gardes. Vous êtes homme, après tout. Vous êtes jeune et libre. Laissez-moi donc vous supplier de respecter l'innocence de Mademoiselle Nioche. Newman s'attendait si peu à cette péroraison qu'il éclata de rire. Il fut sur le point d'affirmer à M. Nioche que son innocence à lui paraissait être de beaucoup la plus exposée, mais il se contenta de l'assurer que sa progéniture n'aurait rien à craindre de sa part. Le lendemain, il trouva l'aimable Noémie l'attendant, assise sur le canapé du salon carré. Elle n'était pas en costume de travail. Elle avait revêtu au contraire, pour la circonstance, sa plus fraîche toilette. Chapeau, gants, ombrelles, tout était à l'avenant, d'un goût exquis. Et il était impossible de rien imaginer de plus séduisant que son air de jeunesse éveillée et de modestie charmante. Elle fit à Newman la plus respectueuse de ses révérences et lui exprima sa reconnaissance pour sa libéralité en quelques phrases émues, d'une grâce touchante. Newman se sentait mal à l'aise de voir là, devant lui, cette jolie fille, si élégante, de manière si distinguée, parlant un français si pur, se faire si humble, et se mettre, pour ainsi dire, à ses gages. Ah, la chose ne vaut vraiment pas la peine d'en parler, c'est moi, au contraire, qui me regarde comme votre obligé, répondit-il dans son meilleur français. Quand vous voudrez, alors, nous passerons les tableaux en revue. Ils firent lentement le tour du salon carré, puis parcoururent une autre galerie, et ainsi de suite pendant une demi-heure. Mademoiselle Noémie, évidemment, trouvait cette promenade agréable et n'était nullement pressée de voir se terminer son entrevue publique avec un personnage aussi important. Celui-ci remarqua son air satisfait. Le petit ton pincé, péremptoire, dont elle parlait à son père lors de leur première rencontre, avait fait place à la voix la plus suave et la plus caressante. « Quel genre préférez-vous, les sujets sacrés ou profanes ?»« Oh, un peu de tout, » dit Newman, « mais principalement quelque chose de brillant et de gai. »« Quelque chose de gai ?»« Pouah ! Il n'y a rien de bien gai dans ce vieux musée solennel. Nous trouverons, cependant. »« Vous parlez français à merveille aujourd'hui. Mon père a fait des miracles. » « Oh, je suis un triste élève. Je suis trop vieux pour bien apprendre une langue étrangère. »« Trop vieux, quelle folie !» s'écria Noémie avec un rire clair et sonore. « Vous êtes un jeune homme. Et que pensez-vous de mon père ?»« C'est un brave et excellent homme. Il ne rit jamais de mes fautes de langage. »« Il est très comme il faut, mon papa, et honnête. Oh, d'une probité exceptionnelle. Vous pourriez lui confier des millions. »« Lui obéissez-vous toujours ?»« Lui obéir ?» Oui, faites-vous tout ce qu'il vous demande. » La jeune fille s'arrêta en le regardant en face. Il y avait sur ses joues une petite tache rouge, et son œil brillant, expressif, trop saillant, peut-être, pour une beauté parfaite, avait je ne sais quelle expression d'audace endiablée. « Pourquoi cette question ?»« Parce que je voudrais savoir. »« Vous me croyez une mauvaise fille ?» reprit-elle avec un étrange sourire. Newman l'examinait. Il la trouvait jolie. « Certainement, mais d'une beauté qui le laissait froid. » Il ne put s'empêcher de sourire en pensant à la sollicitude du pauvre Nioche pour l'innocence de sa fille. Elle était, sans contredit, assez charmante pour justifier les appréhensions de son père sur les dangers que courait sa vertu. Mais quant à son innocence, Newman eut mis sa main au feu qu'elle ne la perdrait jamais, par cette bonne raison qu'elle ne l'avait jamais eue. Depuis l'âge de 10 ans, elle regardait le monde autour d'elle, et bien malin eût été l'homme qui lui révélait un secret qu'elle ignora. Dans ses longues séances au Louvre, elle ne s'était pas uniquement bornée à peindre des madones et des Saint-Jean. Elle avait étudié, sur le vif, l'humanité en général, parmi tous ces types si variés qui lui passaient sans cesse sous les yeux, et son parti était pris et bien pris. Il était évident que, sous un certain rapport, M. Nioche pouvait dormir sur les deux oreilles. Sa fille ferait peut-être quelque chose de très audacieux, mais jamais rien de fou ou de sot. Newman, avec son sourire doux et tranquille et sa manière de parler un peu traînante, avait toujours le temps de réfléchir avant de s'engager. « Oh non, » dit-il enfin, « ce serait mal à moi de vous juger ainsi, je ne vous connais pas. » « Mais mon père a dû se plaindre de moi. Il assure que vous êtes une coquette, voilà tout. Il ne devrait pas dire ces choses-là aux messieurs. « Mais vous ne le croyez pas ?»« Non, » dit gravement Newman, « je ne le crois pas. » Elle le regarda de côté, haussa les épaules et montra un petit tableau italien, le mariage de Sainte Catherine. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-elle. « Cela ne me plaît pas. La jeune femme en robe jaune n'est pas jolie. »« Ah, vous êtes un grand connaisseur. En tableau ? Oh, ma foi, non, je m'y connais fort peu. En jolie femme, alors ? Pas davantage. » « Que direz-vous de celui-ci en ce cas ?» reprit Noémie, en indiquant un superbe portrait de femme. « Je pourrais vous en faire une réduction. »« Une réduction ? Pourquoi pas une copie aussi grande que l'original ?» Mademoiselle Nioche jeta un coup d'œil sur l'éblouissante splendeur du chef-d'œuvre vénitien et secoua légèrement la tête. « Je n'aime pas cette femme, elle a l'air stupide. »« Mais je l'aime, moi !» s'écria Newman. « Décidément, il me la faut, et aussi grande que nature. Ayez soin, surtout, de lui conserver le même air naïf. » Mademoiselle Nioche le regarda à nouveau avec son sourire moqueur. « Il ne me sera certainement pas difficile de lui donner l'air bête. »« Qu'entendez-vous par là ?» demanda Newman, assez embarrassé. Elle fit un geste d'impatience. « Sérieusement, vous voulez ce portrait ? Les cheveux dorés, la robe de satin pourpre, le collier de perles, les deux admirables bras ? Oui, tout, tout, sans rien y changer. Il y a d'autres tableaux qui remplaceraient celui-là avec avantage. Oh, il m'en faudra plusieurs autres, mais je veux aussi ce portrait. » Mademoiselle Noémie s'éloigna un instant, traversa la salle, puis, sans bouger de place, regarda vaguement autour d'elle. Tout à coup, elle sembla prendre un parti et rejoignit Newman. « Que ce doit être agréable, dit-elle, de pouvoir commander des tableaux d'un tel prix. Des portraits vénitiens grands comme nature, peste, vous agissez en prince. Alors vous allez parcourir l'Europe de cette façon-là. Oui, j'ai l'intention de voyager. Commandant, achetant, dépensant de l'argent sans compter. Naturellement, je dépenserai un peu d'argent. Vous êtes bien heureux d'en avoir, et vous êtes tout à fait libre. Libre, dans quel sens ? Vous n'avez rien qui vous gêne, ni famille, ni femme, ni fiancée. Oui, je suis absolument mon maître. « Vous êtes heureux, » dit gravement Mademoiselle Nioche. « Mais je ne me plains pas de mon sort. »« Combien de temps restez-vous encore à Paris ?» continua la jeune fille. « Quelques jours. »« Pourquoi partez-vous ? » ?»« La chaleur devient trop forte. Je vais en Suisse. »« En Suisse ? C'est un beau pays. »« Je donnerai volontiers mon ombrelle neuve pour y aller aussi. »« Des lacs, des montagnes, de poétiques vallées, des pics couverts de neige. » « Ah, je vous félicite. Et pendant ce temps-là, moi, je resterai ici, malgré la chaleur, à travailler pour vous. »« Oh, prenez tout le temps nécessaire, » dit Newman. « Travaillez à votre convenance, rien ne presse. » Continuant leur promenade, ils examinèrent encore une douzaine de tableaux. Noémie critiquait généralement ceux sur lesquels Newman semblait vouloir fixer son choix et en proposait d'autres. Brusquement, elle se mit à parler d'elle. « Qu'est-ce qui vous a engagé à vous adresser à moi l'autre jour dans le salon carré ? J'admirais votre peinture. »« Ah, vous avez hésité longtemps cependant. »« C'est que je ne fais jamais rien à la légère. »« Je vous voyais m'observer, mais j'étais loin de me douter que vous alliez m'aborder ainsi. »« Quand on pense que me voilà me promenant ici avec vous, c'est bien curieux. »« Je trouve cela tout naturel. »« Oh, je vous demande pardon, pas pour moi. » « Si coquette que vous me fassiez l'honneur de le croire, je ne me suis jamais promenée en public avec un monsieur. À quoi donc pensait mon père en consentant à cette entrevue ? Il se repentait, probablement, de vous avoir injustement accusé. » Mademoiselle Noémie ne répondit pas. Quelques instants après, elle s'écria en se laissant tomber sur un des bancs de la grande galerie. « Eh bien donc, voilà qui est décidé pour ces 5 copies. Je les ferai aussi belles et aussi brillantes que possible. Mais il en faut une 6e. » N'aimeriez-vous pas un de ces grands Rubens, le mariage de Marie de Médicis ? Regardez, quel admirable tableau ! Oh oui, j'aimerais beaucoup celui-là. Arrêtons-nous-y pour le dernier, c'est entendu. À la bonne heure. » Elle se prit à rire et considéra Newman quelques minutes très attentivement, puis, se levant et se plantant devant lui, les mains croisées, « Je ne vous comprends pas, vraiment, » dit-elle. « Non, je ne comprends pas qu'un homme puisse être aussi ignorant. »« Oh, je suis ignorant, cela ne fait pas de doute, » répondit Newman avec le plus grand calme. « C'est ridicule. Je n'ai jamais su peindre. »« Vous n'avez jamais su. Je peins comme un chat. Je ne sais seulement pas tracer une ligne droite. » Le tableau que vous m'avez acheté l'autre jour est le premier que j'ai jamais vendu. » Newman éclata de rire. « Pourquoi me dites-vous cela ? » demanda-t-il. « Parce que je suis agacé de voir un homme intelligent se tromper aussi grossièrement. Mes tableaux sont grotesques. Et celui que je vous ai acheté, pire encore que les autres. » « Eh bien, » dit Newman, « il me plaît quand même. » Elle l'interrogea du regard. « C'est fort aimable à vous de me parler ainsi, » répondit-elle. « Mais je dois vous avertir avant de vous laisser aller plus loin. Savez-vous bien qu'il me serait tout uniment impossible d'exécuter votre commande ? Pour qui donc me prenez-vous ? Il y a là l'ouvrage de 10 hommes. Vous tombez en arrêt devant les 6 tableaux du Louvre les plus difficiles à copier. Et une fois votre choix fait, vous vous imaginez que je n'ai plus qu'à me mettre à l'ouvrage comme s'il s'agissait d'ourler une douzaine de mouchoirs. J'ai voulu voir jusqu'où vous pousseriez cette plaisanterie. » Newman la regardait, ne sachant que penser. Malgré la grossière erreur qu'il venait de commettre, il était loin d'être un imbécile. Et son instinct l'avertissait que la subite franchise de Mademoiselle Noémie n'était pas, au fond, plus honnête que la comédie dont il avait été dupe. Elle jouait un rôle et se souciait fort peu de son ignorance en esthétique. Cela n'était que trop évident. Mais qu'espérait-elle ? Pour courir un pareil risque, il fallait que le prix à gagner fût bien tentant. Quoique convaincue du puissant intérêt qui avait dû pousser Noémie à cette volte-face inattendue, Newman ne put se défendre d'un mouvement d'admiration pour son intrépidité. Quel que fût le gain qu'elle voulut atteindre de la main gauche, elle rejetait, en effet, de la droite une somme d'une importance capitale pour elle. « Plaisantez-vous ? » demanda Newman. « Ou parlez-vous sérieusement ?»« Oh, très sérieusement, » répondit Mademoiselle Noémie avec le même étrange sourire. « Je ne m'y connais pas en tableau. J'ignore s'il est difficile ou non de peindre. Si vous ne réussissez pas, eh bien, vous ne réussirez pas. Voilà tout. Faites toujours ce que vous pourrez. Ce sera détestable. » « Oh, naturellement, » dit Newman en riant. « Si vous êtes résolu à mal faire, vous ne produirez rien de bon. Mais pourquoi, si vous peignez mal, continuez-vous à peindre ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je n'ai aucun talent. Vous trompez votre père, alors ?» Elle hésita un instant. « Il le sait bien. » « Non, » dit Newman, « je suis sûr qu'il a foi en vous. Il a peur de moi. Si je continue à mal peindre, comme vous dites, c'est que je vais apprendre. En tout cas, j'aime mon métier, et puis, je me plais ici. Je préfère passer toutes mes journées au Louvre que de rester assise dans une petite chambre humide et sombre, au fond d'une cour ou derrière un comptoir, en vendant des boutons et du fil. » Il est certain que ce doit être plus amusant, mais pour une jeune fille pauvre, n'est-ce pas un plaisir un peu cher ? Oh, j'ai le plus grand tort, je le sais fort bien. Que voulez-vous ? Plutôt que de gagner ma vie comme certaines jeunes filles en travaillant à des ouvrages d'aiguilles, loin du monde, dans d'affreux trous noirs, j'aimerais mieux me jeter dans la Seine. Vous n'en arriverez pas là. Votre père vous a parlé de mon offre, votre offre. Il voudrait vous voir mariée. Je lui ai promis de vous mettre à même de gagner votre dot. Oui, il m'a dit tout cela. Vous voyez, n'est-ce pas, le cas que j'en fais. Mais pourquoi mon mariage vous tient-il tant au cœur ? C'est votre père qui m'intéresse. Je maintiens mon offre. Faites mes copies aussi bien que vous pourrez, et je vous les achèterai. Mademoiselle Nioche demeura quelques instants pensive, les yeux fixés à terre. Comme si, avec 12 000 francs de dot, on pouvait trouver un mari, murmura-t-elle. « Votre père m'a dit avoir en vue plusieurs parties fort convenables. »« Oui, oui, des épiciers, des bouchers, des propriétaires de petits cafés. »« Ou je ferai un beau mariage, ou je ne me marierai pas. »« Je vous conseille de ne pas être trop difficile, » fit Newman. « C'est le seul avis que je puisse vous donner. »« Dieu, que je suis vexé d'en avoir tant dit, » s'écria la jeune fille. « Cela ne m'a servi de rien, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. » « À quoi pensiez-vous donc que cela vous servirait ?»« Je n'ai pas pu m'en empêcher, voilà tout. » Newman l'examinait curieusement. « Eh bien, il est possible que vous soyez faible comme copiste. Mais vous n'en êtes pas moins beaucoup trop forte pour moi. Je ne vous comprends pas. Adieu. » Il lui tendit sa main, qu'elle ne prit pas. Sans répondre, elle se détourna, et s'asseyant sur une des banquettes, dans l'embrasure d'une fenêtre, s'appuya la tête contre le bras et regarda fixement devant elle. Newman avait hâte de partir et il gagna au plus vite la porte de sortie. Il avait compris l'aimable Noémie mieux qu'il ne voulait l'avouer. C'était une franche coquette. Monsieur Nioche avait raison. Et cette scène étrange le prouvait surabondamment.